Sans se verra. Ça va vite là. Thank you. accords, c'est pas mal. Mais attends, c'est pas agréable. Oh putain. Ah merde. Je suis pas parti. Hein. Quand tu seras là, ce jour. Essayez, j'ai voté. J'ai mis voter. Mais il est pas bon le truc. J'ai que ça, mais c'est pas bon. C'est tout. C'est pas les bons accords. Thank you. émerger aussi le paradis blanc. J'en ai pris une au hasard. Il y a tant de vagues et de fumée. Oui, je suis pas sûr de le dire. ouais, c'est ça. Les accords là. Ils sont bizarres ces accords. Comment c'était ça? Attends. Daricole, il faisait. California. Faites celui que vous voulez. Celui que tu veux, Cyber. Cyber, tu joues celui que tu veux. Celui que vous avez envie. C'est le dernier. Après j'arrête. Si maman. Ses 20 ans est la plus jolie. Thank you. travail plus sans excitant. Quelqu'un leur vend de quoi tenir le coup. Je suis un électron, un téléproton. Le rythme de la ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé d'électricité. De l'accélérateur, je compte une partie du dimanche, ça y est. On fait le refrain. À faire que le refrain si tu veux. La bombe humaine, c'est l'arme de demain. La bombe humaine, c'est l'arme. Mais qu'est-ce que c'est ce refrain? Tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. Quelqu'un le vend, de quoi tenir. as détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. trouver une idée franche coupe plus on tranche le cul à coups de sous-entendu. Allez, un peu trop loin de toi. Moi je vous laisse, c'était sympa. Sont bons ces claviers, sont bons ces pianistes. Qu'est-ce que j'aimerais savoir jouer du piano. Super les gars. Ça calme.